Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudilla lah. Wa man yudlil falahadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى دراسة هذه الرسالة النافعة المفيدة تدوين الفائدة في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة لشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه استخرجها حفظه الله أو أفردها من شرحه على منتقى بن الجارود رحمه الله ودراسة الفقه من أهم ما يكون قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أخي الكريم تأتكريك هذا لعبادة الله سبحانه وتعالى سواء العمل القلبي أو الأعمال القلبية كالتوكل والتوحيد والخشية والخوف أو الأعمال الظاهرة كالصلاة قبل ذلك الطهارة والحج والصيام إلى آخره هذا من أهم ما يكون c'est une des choses les plus importantes أن المسلم يكون على الأقل يكون ce qu'il a besoin pour ses ibadats فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم c'est une obligation طلب العلم pour chaque مسلم والعلماء ils expliquent ce hadith أن l'obligation أي ce que tu as besoin pour ton din c'est pas une obligation que chaque مسلم ça devient un طالب العلم أي يتوسع في البحث والطلب لا لكن الواجب c'est que chaque مسلم il doit connaître le tawhid chaque مسلم il doit connaître أحكام الطهارة ce qu'il a besoin pour faire الوضوء الصلاة S'il a de l'argent, ce qu'il a besoin pour faire sortir le zakat, pour faire le hajj, le talib ou l'ilm, il donne du temps à هذه الأحكام, أحكام الفقه. وهناك كتب, كما تعلمون في هذا الباب, des كتب pour des débutants, des autres كتب أوسع. نحن on a choisi cette رسالة لأنها elle est مفيدة, elle est نافعة, elle est مختصرة. وإلا لا شك أن في الباب كتب كثيرة إن شاء الله نصابيغا سوغ دوطخو ليغ بإذن الله عز وجل نقرأ المقدمة قال الشيخ حفظه الله المقدمة الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن مما يسر الله لي إفراده من شرحي على منتقى الإمام ابن الجارود رحمه الله منتقى ابن الجارود سان كتاب يغصم لبلوغ المراء دي حديث في الفقه يكمنس كتاب طهارة أي سيد دي حديث دي فيخسي كذلك من القرآن الكريم الشيخ يحيى حفظه الله إلى فى للشرح دي سو كتاب en plusieurs مجلد Ils vont l'imprimer en 5 ou 6 mujallad. Et Cheikh Havidahullah, vu que ce charh il a pris du temps, il a commencé à l'époque de Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi. Comme dans le muqaddimat Ahkam al-Tayammum, Cheikh Muqbil, c'est lui qui fait la muqaddima, et il cite Anna Cheikh Yahya, il écrit ce charh à la muntaqab al-Jaroud. Et de temps en temps, Cheikh, comme a dit, Yufrid, aïe, une mas'ala, matalan al-tayammum, matalan tafsir, ayat surat, ayat al-wudu min surat al-ma'ida, il prend ses ahkam et il les met dans une risala mustaqilla. Hada sanafi' jiddan. Yalla ta'alamoun anna, c'est pas tout le monde qui va lire ces gros shurouh, 5-6 volumes. Ba'd al-nas, il a plus de facilité à lire ce genre de rasail, des petites rasail, et yastafid, khasatan avec un tartib tayyib, avec un kalam, wadih sahl. فسال مقصود وإلا فسكلامكم عليه في الحقيقة c'est min sharh muntaqa ibn al-jarud. Et il a l'an, il n'est pas sorti. بسبب ما حصل تأخر بعض الأشياء أو تأخر بعض الأشياء إن شاء الله قريبا يبعث وقته بإذن الله عز وجل. قال حفظه الله فإن مما يسر الله لي إفراده من شرحه على منتقى الإمام الجارود رحمه الله هذا الجزء المتواضع حيث ابتدى ابن الجارود رحمه الله ثاني إمام للسنة ابن الجارود كتاب الطهارة من منتقى بذكر طرف من آية الوضوء من سورة المائدة والإشارة إلى ما بقي منها. نعم. وديبو دو كتاب الطهارة من المنتقى منتقى ابن الجارود إلى سيتي لو فيرسي دو سورة المائدة ثم الشيخ دون سون شرح إلا إكسبيكي سا دوني سيت رسالة. آية سورة المائدة سي الأصل لأن الله سبحانه وتعالى دون سو فيرسي سيت كومون فيغ الوضوء. فالعلماء يسوبا سور سو فيرسي إكسبيك افيك دي حديث دو بروفيت صلى الله عليه وسلم دي آثار. قال والباعث على إفراده بعد إرادة الله عز وجل تشعب الكلام عليها فرأيت أن تطبع بمفردها. نعم. Il a préféré rassembler, لأن الكلام il était éparpillé في الشرح. Il a préféré rassembler tout ce qui est lié à آية سورة المائدة dans cette رسالة حتى يعم النفع أكثر. قال راجيا من المولى الكريم عز وجل أن ينفع بها كما نفع بما قد أفرد من هذا الشرح قبلها كرسالة أحكام التيمم على التي أبخيمي قبل هذا لأنها يبلى مقدمة الشيخ مقبل. قال ويليها إن شاء الله تعالى أحكام الطهارة من شرح المنتقى وبالله التوفيق. ونطبع هذا هل طبع الله أعلم. أحكام الطهارة من شرح المنتقى على كل حال الشرح بإذن الله بسقطع إن شاء الله طلاب العلم يستفيدون مباشرة من الشرح. يسامبليفيو وعوام. العوام ils ont besoin تعلمون de ces أحكام. والله بعض العوام مساكين ils savent pas faire le wudu. Ils font le wudu comme ils ont appris ses parents, comme la coutume dans son village. حقيقة أحيانا il y a des مخالفات تضر. هذا c'est مهم. طالب العلم يستفيد من كتب العلماء كالمنتقى أو البلوغ أو غير ذلك نيل الأوطار كذلك سمرجع لابن الشوكاني المجموع للنووي كتب ابن قدام المقدسي المغني وغيره. طالب علم كلا قدرة يستفيد من هذه الكتب يلخص المسائل الإكسبليكوشن بكلام سهل سنسيتي الخلاف مثلا في المغني لابن قدامة يستيت الخلاف يتوسع العوام ما سيفهمون هذا لكن طالب العلم فيكي سنطالب إلى القدرة يلخص المسائل ثم القول الراجح فكان دليل إلى إكسبليكوشن مسائل الوضوء مسائل الصلاة مسائل الصيام الحج الزكاة هذا مهم جدا سيبقى فائدة عظيمة للطالب أنه يستفيد تعرف في المراجعة أي لمأجور إن شاء الله تعالى سأن باب من أبواب الدعوة عظيم لأن العوام تعلموني إزام هذه الأمور العوام يسأل بقلي دو الطهارة دو الصلاة يا سرتن شوز ما يفهمون أو سرت علوم كعلوم النحو والأصول ما يفهمون يتعبون لكن مثل هذا يحبون ذلك فالطالب العلم ينم خفيت هذا سبب دعوة عظيم يلخص يلكسبيك ساب لا يتوسع سيد العوام لا يتوسع يلغ موضخ القول الراجح يسيت لدليل إن شاء الله يغادر خيره. هذا الآن سأسأل مقصود دو الشيخ بإفراد هذه الرسالة من شرحه على المنتقى. نحن لا نتعلم نبدأ بالنية ثم إن شاء الله نرى بخاتيك منتو لكن البداية نرى باتو هذه أبواب حقيقة سهلة. نحن سيكون سنتخي سر صفة الوضوء سأسأل بيت أما أحيانا الشيخ يسد فوائد إن شاء الله نحن الوقت إلي ضيق. On se concentrera sur Sifat al-Wudu. Inch'Allah, on commencera page Bab al-Niyya. Amma Matalan, il a cité des fawaïds sur le mot al-Wudu. Hada ça. L'I'arab, kad alik, qawluhu ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu. Le début du verset, min surat al-Ma'ida. Tout ça, nahnu, on lira pas. Léanna, le waqt, il est dayyir. On commencera par al-Niyya. وقبل ذلك اسم مهم ذكر بعض الأدلة في فضل الوضوء فضل الطهارة قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كذلك قال تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين Ça ressemble au verset qu'on a cité précédemment. Parmi les causes que Allah subhanahu wa ta'ala il aime l'abd, at-tahar. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها صلى الله عظيم من فضائل الوضوء فالمسلم quand il fait le wudu فغسل وجهه il lave son visage خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء Chaque goutte qui descend de son visage, quand il fait l'eau d'eau, c'est des péchés qui s'en vont. Et les péchés qu'il a fait avec son regard. Il a regardé des choses muharrama. Chaque goutte, c'est des ma'as qui partent. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. قال فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. Kadalik les mains. Quand il lave ses mains, et des gouttes qui tombent, c'est des péchés qui s'en vont. Bi'idnillah Azza wa Jalla. Et les péchés qu'il a commis avec ses mains. قال فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نقيا من الذنوب. Ses pieds, نفس الشيء. Se lave les pieds, les gouttes. Il tombe, après le lavage de ses pieds, c'est des péchés. Des péchés qui sont pardonnés, et les péchés qu'il a commis en allant dans tel endroit muharram. Hada c'est un fadl azim. Qala hatta yakhruja naqiyan min ad-dhunub. Ma baluk celui qui fait plusieurs fois l'wudu. Ça montre fadl azim, celui qui yukthir min al-wudu. Ça ne veut pas dire qu'il faut refaire l'wudu à chaque salat. Là. Là, parce que c'est aqidah qui fait refaire l'wudu à chaque salat, ce n'est pas tayyib. Là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'wudu. Plusieurs salats avec le même wudu. Lakin celui qui le refait wa yahtasib hadha al-ajr, c'est tayyib jiddan. Wa an Uthman radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a hakadha. Ay Uthman il a fait le wudu comme il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le wudu. Thumma qala, il a dit à ceux qui étaient présents avec lui, man tawadda'a hakadha, ay comme il a fait le Nabi alayhi wa sallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafila. Celui qui fait le wudu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala il lui pardonne ses péchés. Hada ad-din ila yusr. Le wudu, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tes péchés. Qala wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafila. Na'am. Hatta quand il va au masjid, il a fait le wudu, yahtasib. Et son but c'est d'aller au masjid, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire salat. Comme a dit le hadith al-akhar. Chaque pas Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré. Et lui enlève des péchés. Voilà. Il reste au masjid et il a le wudu, il attend l'autre salat. Ka'annahu il est fait salat. Il a fait le maghrib, il attend l'isha, il est fait salat. Voilà, kada. Fadl azim. Et en haqiqa, on est fi ghafla an hada. Ça montre ahamiyat l'ihtisab. Et pour avoir un ihtisab, il faut avoir du ilm. كثير من الناس يسون في غفلة إما يكون يسبع سيئة حديث إما يكون سيزبلي هذا مهم جدا وفضائل أخرى مذكورة في كتب الحديث العلماء سوفون دون كتب الحديث يسيت كالبخاري صحيح بخاري صحيح مسلم يسيت كتاب الطهارة يسيت من هذه الأدلة كثيرة حديث عثمان كنا سيتيري في صحيح مسلم حديث أبي هريرة الأول كنا سيتي كذلك اللي في صحيح مسلم كتاب الطهارة Il y a le muhim kadhalik, avant de commencer al-kitab, avant de rentrer dans Sifat al-Wudu, de connaître ahkam al-miya, aïe, tout ce qui est rapport, comme ahkam, comme jugement, de l'eau, al-miya. Léanna ta'alamoun anna al-Wudu, ça se fait avec l'eau. S'il ne trouve pas d'eau ou il ne peut pas utiliser l'eau, c'est remplacé par tayammum. Et bien, après cette risala, si on arrive à la finir, Inch'Allah Ta'ala, on fera Ahkam al-Tayammum. Pareil de Cheikh Yahya Habidahullah, la risala qu'il a prise منتقب نجارو. الآن pour faire الوضوء إما ماء أو s'il n'y a pas d'eau أو il y a de l'eau لكن la personne elle peut pas utiliser cette eau pour plusieurs raisons, maladie مثلا. في هذا الحال ينتقل إلى التيمم. لكن الآن نحن ce qu'on veut montrer أن الأصل c'est الماء. وهذا الماء il a des أحكام. Est-ce que ce genre d'eau tu peux faire l'eau avec? Et c'est quelle eau que tu peux pas faire l'eau avec? هذا c'est un كلام نافع مهم. Connaître أحكام المياه. وكم من أسئلة. Vous remarquerez, les musulmans, ils ont beaucoup de أسئلة في هذا. Est-ce que je peux faire l'eau avec telle eau? Telle eau elle a été touchée par telle chose. Est-ce qu'elle est najisa ou la? كثير من المسائل c'est par rapport à ce bab مهم. Et nous on va lire ce bab inshallah min كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تعلمون أن هذا الكتاب لنافع جدا إلى لخص حقيقة لعوامل الطيب جدا. celui qui veut donner des دروس وعوامل القدرة des دروس سانت dans le fiqh ينصح بهذا الكتاب. C'est des مسائل très simples avec l'adilla لا يتوسع في الخلاف. C'est l'essentiel avec des paroles simples. هذا مهم. ونحن نقرأ أول أبواب هذا الكتاب سباب في أحكام الطهارة والمياه. Et nous, on en aura besoin par rapport à notre risale hadi. Hatta on rentre dans le sifat al-wudu, on a compris l'ahkam al-miyah. قال الشيخ حفظه الله قال باب في أحكام الطهارة والمياه قال إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين كما حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وهي الفارقة بين المسلم والكافر أي الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث بريدة في مسلم قال وهي عمود الإسلام قال وأول ما يحاسب عنه العبد قال فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله أي الصلاة وإن ردت رد سائر عمله شيخ الفوزان الست فضائل الصلاة l'importance de الصلاة ثم قال وقد ذكرت الصلاة في أواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة فتارة يأمر الله بإقامتها وتارة يبين مزيتها وتارة يبين ثوابها وتارة يقرنها مع الصبر والأمر بالاستعانة بهما على الشدائد استعينوا بالصبر والصلاة قال عز وجل قال ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا فهي حلية النبيين وشعار الصالحين وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. Tout ce kalam l'an il te montre l'importance de salat. Comme l'an il va te montrer qu'il y a cette salat qui est si importante, celui qui la délaisse il sort de l'islam, à la sahih, la bouda d'un shart muhim c'est le tahara. فلا تصح هذه الصلاة إلا بالطهارة. قال ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء عدم الماء أو يدلو لكن يفبع لجلزي هذا tu bascules تيمم dans deux cas s'il n'y a pas d'eau bien sûr tu fais التيمم أو il y a de l'eau, lakin tu ne peux pas l'utiliser pour plusieurs raisons. Maintenant, la maladie. Dans ce cas, tu bascules à tayammum. Donc, l'an, il montre que cette salah a un shart azim, cette tahara. Et tahara, tu l'as fait avec l'eau. Sauf dans deux cas, s'il n'y a pas d'eau, ou tu ne peux pas utiliser l'eau. قال صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها ومنها الطهارة نعم الصلاة لدي شروط parmi ces شروط الطهارة حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا هو الدليل. الله لا accepte pas la salat d'une personne. Il accepte pas إذا أحدث. S'il a perdu le dos, Allah سبحانه وتعالى il accepte pas salat إلا si il refait le dos. أما si il a fait dhuhr مثلا avec le dos, ثم il fait العصر avec le même dos, il refait pas le dos, la salat là, chacun l'a accepté. C'est pas wajib de refaire le dos. قال كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور في السنن في سنن أبي داود سنن ابن ماجه مسند أحمد كما في الحاشية قال وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل طيب celui qui perd l'eau c'est comme s'il avait un قفل عليه القفل c'est un cadenas il ne peut plus faire الصلاة il pourra faire cela que si ce cadenas il s'ouvre et ce cadenas هذا القفل c'est الطهارة هذا سامي طيب il te montre أن لا صلاة pour celui qui a pas الطهارة قال فالطهارة أوكد شروط الصلاة نعم c'est parmi les شروط les plus importantes قال والشرط لابد أن يقدم على المشروط تقدم في دروس الأصول أن الشرط il est avant المشروط المشروط الصلاة الشرط الطهارة الطهارة لا يبغى الصلاة قال ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية هذا لغة الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة رحمك الله هذه الطهارة النظافة أي سنتوي سبغفي عن الأقدار الأقدار إلى وساخ الحسية والمعنوية الحسية كالبول والغائط Ça c'est hissiya. Des impuretés elles sont hissiya. Hey, tu vois ou tu sens. C'est ça le hissi. C'est quelque chose que tu vois, quelque chose que tu vois, ou tu touches, ou tu sens. كذلك هناك نجاسات معنوية كالشرك والكفر والتطهر من هذه النجاسة بالتوحيد بالتوبة. قال ومعناها شرعا. Donc الطهارة لغة النظافة. أي se purifier معروف. Se nettoyer. قال ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس هذا شرعا ارتفاع الحدث مثلا واحد الى اتولت يتطهر ليرفع هذا الحدث الى اغني يصاغ دي اتولت في الوضوء لرفع هذا الحدث لانه ينكز انه الى plus en état de طهار لابد سيف في الصلاة يرفع هذا الحدث Il a deux cas, imma avec l'eau, comme Azayati, fait l'eau d'eau. S'il n'a pas d'eau, il ne peut pas utiliser l'eau, at-tayammum. Qala wa zawal an-najas. Kadalik, il doit enlever cette najasa. Il doit enlever cette najasa, faire l'eau d'eau, et bien dans le hal, il est en état de tahara. C'est ça, at-tahara shara'an. Qala, wa artifa'u al-hadat, yihsul bi-sti'mal al-ma' ma'an-niyya, fi jami' al-badan, in kana hadathan akbar. أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر صديقاً ستستفيد منه أن الحدث الحدث هنا سيبغ الوضوء فالحدث أي avoir perdu الوضوء يدوك يا الحدث الأكبر أي الجنابة يدوى فيغ الغسر يلغى إن طهارة أبا سصغى الغسر قنظر بإذن الله عز وجل كذلك إلى فين إشارة هنا ونسيغى ديتاي قليل أو الحدث الأصغر qui n'est pas le janab. Mathalan, uriner. C'est min al-hadath al-asar. Il doit refaire à l'eau ou faire l'eau d'eau. Qala ou isti'mal ma yanoubu an il ma' inda adamihi ou l'ajj an isti'mal. Hona, il a cité les deux cas pour passer au tayammum, ne pas utiliser l'eau. Adam il ma' ou l'ajj an isti'mal. Qad yakul qa'il, j'ai de l'eau. Lakin, je suis dans un endroit, j'ai un peu d'eau. Est-ce que je le garde pour boire ou je fais l'eau d'eau? لا شك أنه s'il a peur pour son nafs et lui reste un peu d'eau فقط il garde l'eau pour boire et il fait التيمم فقوله عدم الماء أو عند عدمه il y a des صور même si tu as de l'eau tu fais التيمم on a donné un مثال قال وهو التراب أي cette chose qui remplace l'eau عند عدم الماء أو العجز عن استعماله c'est التراب قال على صفة مخصوصة bien sûr ce التيمم Il est à la sifa makhsousa. Il y a une façon de le faire, d'utiliser ce turab. قال وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان صفة التطهر من الحدثين. نعم, on va voir. أن أما قوله على صفة مخصوصة أي بعد الوضوء. كذلك التيمم. فالسوضوء الآن. ارتفاع الحدث. أي تنلفت cette نجاسة. Qu'elle soit من الحدث الأكبر كالجنابة أو الحدث الأصغر كالبول. Tu refais الوضوء. Tout ça l'Illahi Azza wa Jal avec niya c'est l'ikhlas une ibada et à la sifatin makhsousa avec une façon bien précise c'est le mutaba'a haqiqa fi hadha al-kalam les deux fondements de la religion. Anna tes ibadat elles sont lillah. C'est pour ça qu'il précise Ahl al-ilm anna at-tahara. Tu veux faire l'wudu, tu mets niya lillah azza wa jal, comme on va voir. Et cet wudu il est à la sifatin makhsousa. Et tu fais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. وهكذا في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي هكذا الصيام هكذا الحج خذوا عني مناسككم بشكل عبادة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسيأتي إن شاء الله بيان صفة التطهر من الحدثين نعم سأتري سألكم فيتجي نحن إن شاء الله صدقاء كلام الشيخ الفوزان لأنه نافع إلى السامب قال وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك نعم أفخست مقدمة نافعة حفظه الله إذا سيت المقصود هنا أما اليوم نحن كما قال شيخ الفوزان الغرض هنا ستو c'est quand qu'elle est permise hey, tu peux faire l'eau avec c'est quand qu'elle n'est pas permise tu ne peux pas faire l'eau avec قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فسموت خلنا اللو كي بيان من السماء ألي طهور قال والطهور هي أو هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره هذا مهم de comprendre هذا الضابط لأنه سبق الدنيا الطهور الله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي الله il a fait descendre من السماء une طهور ما معنى الطهور قال الطاهر في ذاته أي cette eau elle est pure en elle-même قال ولغيره et كذلك elle purifie autre c'est ça الطهور pure en elle-même et elle purifie autre أي si tu l'utilises أنت tu vas te purifier بهذا الماء قال هو الباقي على على خلقته كذلك ستنبه لمهم cette eau الآن que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre min as-sama elle est tahour lakin bi shart c'est qu'elle reste ala khilqatiha ala khilqatiha ay cette eau elle change pas Allah subhanahu wa ta'ala مثلا quand il qadra qu'il y a de la pluie dans un endroit si tu récupères l'eau en ta elle est tahour elle est pure et purifiante tant qu'elle reste ala hada yani elle peut changer qala ay صفته التي خلق عليها سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد cette eau que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre elle est tahour elle est pure et purifiante que ça soit l'eau qui descend من المطر أي la pluie أو كذلك la grêle أو la neige c'est la même chose c'est عبارة عن ماء sauf que بسبب البرد tellement qu'il fait froid ça devient ثلج de la neige ou de la graine. Mais si elle fond, c'est de l'eau. Tu peux faire l'eau d'eau, elle est pure et purifiante. قال أو جاريا في الأرض. كذلك l'eau qui coule. مثلا les ruisseaux, ou les rivières, ou le bahr. Tout ça c'est l'eau tahour. قال كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار أو كان مقطرا. قال فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة فإن تغير بنجاسة الآن الأصل. L'eau avec laquelle tu peux faire l'eau d'eau, c'est cette eau. Ça peut être l'eau de pluie, ça peut être de la neige, ça peut être de la grêle, ça peut être de l'eau des ruisseaux, des rivières, de la mer. Tout ça, c'est de l'eau tahour. Qala, fa in taghayyara bi najasatin, lam yajuz at-tahur bihi min ghayri khilaf. Al-an, si cette eau, elle change, quand ils disent elle change, ay lawnuh. أو طعمه أو ريحه c'est ça أوصاف الماء si une des trois caractéristiques de l'eau l'odeur أو la couleur أو le goût il change بنجاسة t'as pas le droit de faire l'eau avec بالإجماع ça c'est مهم t'as deux cas الآن t'as l'eau طهور elle est à la خلقته elle n'a pas changé tu peux faire l'eau بالإجماع deuxième cas t'as l'eau à la base elle est tahour mais elle a été changée bi najasa le goût matalam le goût il a changé à cause d'une najasa urine ou autre tu n'as pas le droit de faire l'eau bil ijma' bi hada al ma donc tu as l'eau tahour et tu as cette eau tahour qui a changé bi najasa qal min ghayri khilaf wa in taghayyara bi shay'in tahir lam yaghlib alayh troisième cas faut noter ça ya jamaa وَإِن تَغَيَّرَ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. Troisième cas, il y a خلاف. C'est quoi ce cas? Pas de l'eau pure et purifiante, tahour. Cette eau, elle change à une de ses trois caractéristiques, imma sa couleur, imma son goût, imma l'odeur. Elle change lakin bishay in tahir. Maintenant, pas de l'eau, il y a un peu de savon qui tombe dedans. Le savon, c'est tahir, c'est pas une najasa. Si tu goûtes, tu sens qu'il y a un peu de savon. Est-ce que tu peux faire l'odeur avec cette eau amla? قال شيخ الفوزان فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا بشرط une condition إلا سيدي شيخ الفوزان قال وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه c'est ça la condition لم يغلب عليه on va donner l'exemple avec du lait maintenant t'as de l'eau pure tu veux faire l'eau d'eau et il y a un tout petit peu de lait qui tombe dans cette eau t'as de l'eau pure et t'as quelque chose de pur qui est tombé dedans Ça reste de l'eau. Haqiqa bi hadha al-hal, as-sahih kama qal, tu peux faire l'eau, c'est de l'eau. Et même la chose qui est tombée dedans, c'est une chose purifiante, ou c'est une chose pure, le lait, ça fait aucun mal, tu fais l'eau. Al-an, t'as l'eau, et wahed il verse, t'as un litre d'eau, wahed il verse un litre de lait dans cette eau. Ou plus. Haqiqa, c'est plus de l'eau, ça devient du lait. Fi hadha al-hal, C'est autre chose. L'anna tahara, on avait dit, ça se fait avec l'eau. Et cette eau, l'an, c'est plus de l'eau, c'est du lait. Et t'as pas le droit de faire l'eau d'eau avec du lait. Mais vous, deuxième exemple, bit-turab. T'as de l'eau, tu veux faire l'eau d'eau. T'as un peu de turab, un peu de terre, un peu de poussière qui est tombée dans l'eau. Ala sahih, c'est que ça fait aucun mal à l'eau. L'anna turab, il est tahir. La preuve, c'est que tu peux faire tayammum bit-turab. Al-an, un petit peu de turab. Voilà aussi l'eau, tu vois un taquet du turab, probablement tu le sens, à peine, là, ça reste de l'eau, tu fais l'eau d'eau. Si maintenant, il verse beaucoup de turab, ça devient du tain. Ça devient du tain, c'est plus de l'eau. Alors, est-ce que tu fais l'eau d'eau, bihada tain, tu passeras, mas'alat, est-ce que c'est tayammum même là, il est akhir. Lakin, l'as, c'est que c'est plus de l'eau. Et si tu as de l'eau là, tu dois prendre l'eau, tu ne fais pas avec le tin, abadan. Mafhoum ? Hadha qawluhu wa in taghayyara bi shay'in tahir lam yaghlib alayh. Li'anna vous devez comprendre à partir d'ici que l'asl, at-tahara, ça se fait avec de l'eau. La ahad yaqul, mais la chose qui est tombée, c'est une chose purifiante, même si ça, c'est plus de l'eau. Maintenant, comme on a dit, tellement qu'il verse du lait dans ce pot, c'est plus de l'eau, ça passe au lait. On lui dit on ne fait pas l'eau d'eau avec ce lait pas parce qu'il est najis là on sait qu'il est pur on ne fait pas l'eau d'eau avec le lait les anna c'est pas de l'eau et l'eau d'eau ça se fait avec de l'eau mafhoum trois cas premier cas al-ma al-tahour l'eau elle est pure et purifiante tu fais l'eau d'eau bel ijma comme Allah il l'a créé elle n'a pas changé maintenant il pleut tu récupères cette eau Elle n'a pas changé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre, il l'a créé, elle est tahour. Tu fais l'eau d'eau. Que ça soit la neige fondue, que ça soit dans un ruisseau, dans une rivière, dans la mer, ma'rouf. Hada bil ijma' yajouz de faire l'eau d'eau. Deuxième cas, cette eau, à la base elle est pure et purifiante, elle a changé binajasa. Imma son odeur, imma sa couleur, imma son goût. Maintenant, un récipient pour faire l'eau d'eau, Il y a de l'urine qui tombe dans ce récipient. Et la couleur, elle change. La couleur de l'eau, tu vois qu'elle change. Fait adhal, tu remplaces l'eau. La yajouz lak bil ijma. Troisième cas, l'eau pure et purifiante, elle change pas avec une najasa, une impureté. Elle change avec quelque chose de pur. Comme le lait, le savon ou autre. Fait adhal, il y a un khilaf bayn ahl al-ilm. Et il y a sahih, c'est que tu as le droit d'utiliser l'eau pour faire l'eau d'eau. Bishart, mahou. أي هذا الماء يبقى كونه ماء أي لم يغلب عليه هذا الشيء فوق سغز دلو فوق سغز دلو هذا سيصدابي tant que ça s'appelle eau tant que tu le laisses en tant que eau tu comprends que c'est de l'eau عند الجميع c'est de l'eau tant que ça n'a pas été changé qu'une nage ça y est لأن si on emploie le mot كثير أو قليل on va pas être d'accord. Moi, maintenant, je vais te dire, l'eau, il y a un peu de lait qui est tombé. Toi, tu vas me dire, non, mais c'est beaucoup. Un autre, il va dire, ça passe. Là, c'est pas là. Le mas'ala, c'est on prend ce temps, est-ce que ça reste de l'eau, là. Maintenant, on a dit, on a un récipient, il y a un demi-litre d'eau, ou un il verse un litre d'eau, un litre de lait. Ça devient blanc, ça devient du lait, ouais. C'est plus du lait que de l'eau. Un demi-litre d'eau avec un litre de lait, c'est plus du lait que de l'eau. La chaque, عند الجميع هذا. في هذا الحال, on dit là, on fait pas l'eau d'eau avec. Si c'est une goutte, un récipient un demi-litre pour faire l'eau d'eau, une goutte de lait elle est tombée. Voilà où tu vois qu'il y a un peu de blancheur, tu as fait l'eau d'eau. في هذا الحال, une goutte ça change pas. كون هذا الماء ماء, c'est ça le ضابط. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أما مسألة تغير الماء اليسير والكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر يسيت لذيكزامبل قال وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو ختم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء تأمل كلام شيخ الإسلام إذا أنا بون إكزامبل تان ريسيبيون إي أن فون دو يا دو سيدر أن بو. Prends l'exemple, un récipient, il y a un peu de lait. Tu as bu du lait, il reste un récipient, il reste une goutte au fond du récipient. Tu le remplis pour faire l'eau d'eau, maintenant. Qu'a dire l'islam, ma'abaqa ism al-ma. Al-an, tu demandes à n'importe quel aqil, tu lui demandes, dès que tu as versé l'eau, tu lui fais, c'est quoi ce que je viens de verser, c'est de l'eau ou du lait? Il va te dire, c'est de l'eau. Tu peux lui dire, non, mais il y avait une goutte de lait, il va te dire, ça, c'est de l'eau. Une goutte de lait, ça ne fait pas changer l'eau. قال فهذا فيه قولان معروفان للعلماء العلماء اختلفوا دو قول ان قول دي يجوز اي استعمال الماء للطهارة ان قول دي لا يجوز ثم شيخ الاسلام لا رجح ما قاله الشيخ البوزان انه الصحيح سيجوز التطهر به سمشروع الى السيتي قال قوله فلم تجد ماء نعم الى السيتي لفرسي من سورة المائدة قال نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع هذا استدلال قوي يسيت لو فيرسي سورة المائدة في التيمم قال عز وجل فلم تجدوا ماء اي سي فو تروفي با دو قال فتيمموا ça ça montre ان التيمم tu le fais quand il y a pas d'eau أو tu peux pas utiliser l'eau, c'est le même حكم, c'est comme s'il n'y avait pas d'eau. قال عز وجل فلم تجدوا ماء. Vous avez remarqué que ماء il est nakira. On l'a vu هذا في الأصول. ماء فلم تجدوا هنا ذا في سياق النفي. قال شيخ الإسلام نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء. Ça englobe toutes les eaux. Tant que ça s'appelle eau. Tant que ça s'appelle eau, il y a juste de faire l'eau. بشرط c'est que c'est de l'eau. Et que ذلك cette eau elle est tahour. Comme dans l'ayat الاخرى وانزلنا من السماء ماء طهورا. Donc si tu as ces deux choses, inshallah tu fais l'eau d'eau avec cette eau. Alors si tu connais ces قواعد اخي, ça va te faciliter beaucoup de choses. Comme les gens se demandent est-ce que je peux faire de l'eau d'eau avec ça? Là qu'il y a une goutte de telle chose qui est tombée dans l'eau. Les gens ne connaissent pas ce genre de قواعد. Si tu as ces trois aqsam, chaque question que tu auras, chaque mawqif que tu auras, chaque mas'ala que tu auras, ça sera une de ces trois. Tu diras na'am, il y a juste bilijma, tu diras na'am, je ne peux pas utiliser l'eau bilijma, tu diras et un khilaf ayna ahl al-ilm, et sahih, c'est le qawl, matalan, il y a juste, li'an Allah qal, falam tajidu ma'an, nakira fi siyaq al-nafi, ça englobe toutes les eaux. C'est ça l'ilm. C'est simplifié. Amma, l'erreur que certains y font, il apprend al-fiqh mas'ala mas'ala. Il n'étudie pas. Matalan, il dit la fatwa d'un savant, tu ne peux pas faire l'eau d'eau avec du lait. Il ne sait pas pourquoi. Savant, Robama, il a répondu, il te dit là, tu peux pas. Il n'a pas détaillé pourquoi. Tu lui cites maintenant, est-ce que tu peux faire l'eau d'eau avec du jus de fruit? Il ne sait plus. Alors que c'est la même chose. Le lait ou le jus de fruit, c'est la même chose. Le lait, pourquoi on ne fait pas l'eau d'eau avec? C'est parce que ce n'est pas de l'eau. Le jus de fruit, on ne fait pas l'eau d'eau avec parce que ce n'est pas de l'eau. Même si le shir, il ne l'a pas précisé. C'est ça l'ilm. C'est l'importance des qawaïd. Un shir al-Fawzan, il cite des qawaïd fil miya. Si tu les maîtrises, tu les notes, tu les as comprises, bi'idhnillah azza wa jalla, ça va être utile. دائما إن شاء الله تعالى يغزم الآن شيخ الفوزة قال واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم يخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع. Donc l'eau que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, si elle reste à la khilqatiha, cette eau, lam tukhalithu maddatun ukhra, elle est tahour bil ijma', elle a été mélangée avec rien. On parle pas pour l'instant de quelque chose de impur ou pur, il y a rien qui l'a touché, elle est comme Allah il l'a créé, elle est pure, purifiante bil ijma'. Premier kahal. Qal wa in taghayyara ahad awsafihi thalath. Si une de ces trois caractéristiques, ay alou, qal rihu aw ta'mu aw lawnu taghayyara bi najasa, fa huwa najisun bil ijma'. Ça c'est le deuxième cas. Si cette eau elle change une de ces trois caractéristiques, odeur, aw couleur, aw goût, avec une najasa, on a donné l'exemple l'urine maintenant, l'eau elle devient jaunâtre. Ah voilà une odeur d'urine. Ah, هذا بالإجماع. Tu fais pas l'eau avec. C'est najasa. قال لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه. Ah, les trois أوصاف. Goût, couleur ou odeur. بمخالطة مادة طهيرة كأوراق الأشجار. كذلك ça arrive. هذا. T'es au bord de la route, t'es en voyage. Maintenant, t'as un récipient d'eau et t'as des feuilles qui sont tombées dedans, d'un arbre ou autre. C'est pur, hein. Tu vas voir que des fois l'odeur elle change. L'eau, tu vas voir, elle va changer de couleur. Ou il y aura une odeur. قال كأوراق الأشجار أو الصابون أو غير ذلك من المواد الطاهرة. قال ولم يغلب ذلك المخالط عليه. لم يغلب الآن. Tu vas avoir de l'eau. T'as un peu de savon qui est tombé dans l'eau. C'est quoi qui est le plus? C'est l'eau. Tu regardes un tas, ça reste de l'eau. Il y a un peu de savon faqat. Ça reste de l'eau. Elle a été changée par une chose pure, tu peux faire l'eau d'eau avec. Ah, c'est une qaïda. Si la chose qui est tombée dans l'eau, elle prend le dessus, tu ne fais pas l'eau d'eau avec. Là, il y a l'eau d'eau, tahara, c'est avec l'eau. Qala, lam yaghlib dhalik al mukhalat alayhi, falibad al ulama vi dhalik tafasil wa khilat, wa sahih annahu tahur. Fa in lam tajidu ma'an, qala azza wa jal. Ou qala, fa lam tajidu ma'an. Ma'an, il est nakira fi siyaq al navi, il fit l'umum, ça englobe. Tant que c'est de l'eau, et elle est pure, l'eau d'eau, c'est mashroub. Qala, wa sahih annahu tahur, yajouzu tatahur bihi min al hadad, wa tatahur bihi min al najas. Qala, fa ala hadha yasih lana an naqul, inna al ma yanqasim ila qismin. Il va tout résumer l'an. Donc l'eau, tu peux la diviser en deux. Qala, Cheikh al-Fawzan, le qism al-awwal, tahur, yasih tatahur bihi. Naam. Premier qism de l'eau, tu peux faire l'eau d'eau avec. Nous allons faire entrer deux aqsam fi hada. Lesquels? Qism al-awwal il est tahour, ay ala khilqati bil ijma', kadhalik. Dakhala alayhi tahirun. Tahirun, shay tahir. Wa la yaghlib alayhi. Naam, la yaghlib alayhi, ay lam yughayyir kawnuhu ma'an. Donc tu as les deux. C'est deux sorte d'eau, c'est de l'eau tahour, tu peux faire l'eau d'eau avec. Donc tu peux diviser un tas les eaux en trois, comme tu as fait, ou en deux, comme Cheikh Al-Fawzan il a cité. Voilà. L'inverse. L'essentiel, c'est de comprendre. Qala al-qism al-awwal tahourun yasihu at-tahour bih, sawa'un kana baqiyan 'ala khilqatihi aw khalatathu maddatun tahira lam taghlib 'alayhi wa lam tashlubhu ismuhu. Na'am, ça reste de l'eau. Avec hada al-hal, c'est de l'eau, tu peux faire l'eau d'eau avec. Donc ça va être de l'eau, tu ne peux pas faire l'eau d'eau avec. قال النجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. Elle est najisa, comment elle va enlever النجاسة? قال وهو ما تغير أحد أوصافه من النجاسة. Le ضابط du deuxième قسم, tu ne peux pas faire l'eau d'eau, une de ces trois caractéristiques à cette eau, elle a changé avec une najasa. Imma son odeur, ça sent l'odeur d'une najasa. Imma la couleur, elle a changé à cause d'une najasa. Imma le goût. Qala wallahu ta'ala a'lam. Hada kitab al-ahkam al-miyya, premier bab de kitab al-mulakhas al-fiqhi. Vous avez vu, il est nafi' jidda. Quatre pages, il résume cette mas'ala bi awdah ibara. Hafidahu Allah ta'ala. حقيقة يكفي يدي مسائل تتبرع من هذا. نقرأ عليكم الإجماع. quand on disait يا إجماع on va les citer الآن من كلام ابن المنذر. نستفيد من كتاب أخينا الشيخ محمد ابن حزام البعداني حفظه الله تعالى. تعلمون أننا إلى شرحنا في على بلوغ المرام فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام وعند قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى ست بلو حديث في البداية إن الماء طهور لا ينجسه شيء عند هذه الحديث حديث أبي سعيد حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهم وديبجو كتاب ثم إلى ست مسألة قال مسألة الماء القليل والكثير إذا خالطته النجاسة الآن نحن وصيتي سوى كلام pour montrer est-ce qu'il y a une différence entre un peu d'eau et beaucoup d'eau. الحقيقة الضابط comme on a dit c'est qu'un des trois أوصاف change que ça soit un peu ou beaucoup. لكن لا شك أن beaucoup مثلا une goutte d'urine dans un océan لا شك ça changera rien du tout. هذا لا شك فيه. C'est ça qui va démontrer الآن. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط كتاب نافع جدا الأوسط لابن المنذر يغابط بكت إجمع سي أن أصل من أصول كتب الفقه الأوسط لابن المنذر إلى بلوزيغ فوليم قال أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك ولا يجزي الوضوء والاغتسال به إجمع العلماء إلا سيد بن المنذر que ce soit un peu d'eau ou beaucoup d'eau si une des trois caractéristiques elle change à cause de la نجاسة في هذا الحال الماء tu peux pas l'employer tu peux pas l'utiliser pour l'eau بالإجمع قال وأجمع deuxième إجمع على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر أي une partie d'eau في البحر قال الرجل بكسر الراء وفتح الجيم جمع الرجلة والمراد بها هنا مسيل مشقوق من البحر إلى جهة من الجهات إما بطبيعته كالخليج أي سكون أبل غولف قال وإما بعمل الإنسان المهم c'est dans l'océan une grosse partie d'eau une grosse quantité d'eau قال أو نحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة une goutte d'urine dans une grosse quantité d'eau une énorme quantité d'eau ففي هذا الحال le goût c'est le même il n'y a pas d'odeur la couleur c'est la même cette goutte elle change en rien l'eau l'eau il est tahir tu peux faire l'eau من هذا الماء donc tu as deux ijma donc le zabit l'an ça tourne autour de quoi est-ce que les trois caractéristiques odeur couleur et goût elles changent à cause de la najasa c'est ça le mas'ala قال قلت ففي كلام ابن المنذر رحمه الله ثلاث صور ابن حزام حفظه الله il résume كلام ابن المنذر ça donne trois aqsam vous allez voir que le lien avec ce qu'on a lu le كلام شيخ البوزان قال الماء الكثير اذا خالطته النجاسه الان هو les trois aqsam qui va citer ابن حزام ça va ressembler à l'aqsam qu'on a cité نحن لكن lui الان les trois aqsam ça va être par rapport à beaucoup d'eau ou peu d'eau et vous allez voir le dhabit c'est le même est-ce que un des trois awsaf il change bi najasa c'est ça le dhabit قال اولا الماء الكثير اذا خالطته النجاسه وغيرت احد اوصافه فانه نجس ما دام كذلك beaucoup d'eau une énorme quantité d'eau beaucoup de najasa qui tombe dans cette eau tu le vois هذا احيانا tu le vois tu es au bord de la mer مثلا et beaucoup de najasa مثلا il y a une usine à côté ou il y a les évacuations des toilettes à côté ou tu sens najasa et l'eau elle a changé de couleur même tu es dans l'océan في هذا الحال tu fais pas l'eau ابدا cette eau elle est pas طيبه في هذا الحال نجس خاصه بالاجماع قال الماء الكثير deuxième cas الماء الكثير اذا خالطته النجاسه ولم تغير احد اوصافه فانه طهور بالاجماع deuxième cas beaucoup d'eau l'océan on prend toujours l'exemple une goutte d'urine ça change pas son odeur sa couleur le goût et tu fais l'eau بالاجماع l'eau elle est طاهره troisième cas الماء القليل اذا خالطته النجاسه un petit peu d'eau elle est mélangée avec la najasa قال وغيرت احد اوصافه فانه نجس un peu d'eau et cette eau elle change de goût ou d'odeur ou de couleur à cause de cette najasa فلا شك انه t'emploie pas cette eau بالاجماع قال وهذه الثلاث الصور مجمع عليها ces trois cas c'est بالاجماع le cas نحن qu'on a cité il reste un cas l'eau elle change avec quelque chose de tahir après on a par rapport à cette mesela on a deux cas est-ce que ça reste de l'eau si ça reste de l'eau il y a juste de faire l'eau avec si c'est plus de l'eau ça devient du lait ça devient du miel ça devient les exemples qu'on a donné fi hadha al-hal tu fais pas l'eau pas parce qu'elle est pas tahira la tu fais pas l'eau parce que c'est plus de l'eau hadha wallahu ta'ala a'lam من عنده شيء أو نكتفي بهذا نحن voulait faire cette مقدمه avant de rentrer dans les ahkam connaître quelques adilla fi fadail al-wudu qu'on a cité connaître كذلك ces ahkam ahkam al-miya on sait نحن الان il y a deux différentes eaux une eau tahira elle est à la khilqatiha elle a pas changé ou elle a changé لكن ça reste toujours de l'eau elle a changé avec quelque chose de tahir comme une goutte de lait مثلا à هذا الحال tu fais l'eau ou une eau deuxième cas une eau qui n'est pas tahira tu ne peux pas faire l'eau avec c'est une eau une de ces trois caractéristiques imma odeur imma couleur imma goût elle a changé à cause de cette najasa هذا c'est ça le résumé de ce dars والله أعلم من عنده شيء تفضل l'eau et du sel Le salé. L'isme reste toujours pareil. Non, c'est de l'eau. La preuve, c'est que le meilleur exemple, c'est que l'océan, il est salé. Et on l'appelle ça l'eau. On dit ma'ul bahr. Falihada qala baltan dalil fihada. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'ul bahr. Quand il a parlé de l'eau du bahr, il a dit al hillu maytatu al tahir ma'u. Ou comme il a dit. Il a montré que son eau, elle est pure et le maïta, elle est halal. Tu trouves une bête morte dans l'océan, bien sûr, une bête qui vit dans l'océan. C'est pas Wahad, il prend une bête morte, il la jette dans l'océan, il dit elle est halal. Là, une bête qui vit dans l'océan, elle meurt, elle a un poisson mort, c'est halal. Et l'eau, kadhalik, elle est tahir. Tant qu'elle n'est pas changée par son goût, son odeur, ou le goût, il est changé, ou la couleur, il est changé par une najasa. Naam, fal bahr, naam, c'est de l'eau. C'est de l'eau, mais elle est salée et douce. Contrairement aux exemples qu'on a donnés, c'est plus de l'eau. L'exemple qu'on a donné avec du lait, tu ne vas pas se dire c'est de l'eau, lait. Là, tu dis c'est du lait. Donc, c'est plus de l'eau. À Malbah, tu dis c'est de l'eau. Elle est salée. Il y a plusieurs eaux. Il y a de l'eau, ce qu'ils appellent. Elle n'est pas salée. Maintenant, dans les rivières, dans les lacs, il y a de l'eau, elle est salée. C'est des différentes eaux. Tant qu'elle est tahir, tant qu'elle est à la khilqati, elle n'a pas été changée bien à ça, il est juste. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.